Yeah, yeah, ok. Tu savais comme j'en ai marre, me poser devant des feuilles, okay. Décrire ce triste monde et s'en décoller du sol, yeah. On me dit que je déconne, mais nos vies ressemblent à rien. On est sincère qu'avec l'alcool, et on se sert quand on a rien. L'égalité, fraternité, ne marche pas avec le bif, okay. Instrumentalisé, ce qu'on avait comme objectif. Le kiff d'un monde sincère et pisse. On s'est trompé de scénar, on a mal lu le synopsis. On regardait que les Oscars, okay. Et des vents de fumée noire, tous punis par vos conneries. À force de rêver en dollars, on a perdu bien trop de vie. On déconne, on le sait tous, okay. Cette morale nous étouffe. Yeah. On décolle avec un souffle, et dans la merde on y est tous. Moi aussi j'aimerais y croire, mais le penser ne suffit pas. Me bouger le cul pour mes frères, je voudrais passer le pas. Passer d'agréable à utile, bien hostile à perméable. Malléable donc c'est possible, je ciblais désagréable. On parle trop pour ne rien dire, on est gros on se croit d'art. C'est tellement mieux un sourire, quand on te parle de couleur noire. On s'égare avec vos caches, tous ces murs qui barrent les gens. C'est sur nos fautes sont à la page, c'est sur les autres qu'on met l'accent. On cavale en solitaire, chacun sa merde jusqu'à la mort. Et on devient tous solidaires, quand son prochain vit notre sort. J'opère un thème tellement décrit et puis écrit par nos ancêtres. En manque d'être, on veut la voir. Et à le voir, on y est presque. Viens en voir pour un décès. Claquer du bif jusqu'à l'excès. Prends le numéro d'un mort. Pour chrysanthème, on a l'accès. On accepte sans un accord. De la flicaille au corps à corps. Les armes font vomir. Elles protègent pas, elles font des morts. Coup de chaud dans la planète. Elles scènent des vies de l'axe. Impact du mal et bien. Et son impact quand il se paxe. Trop de couleurs dans les yeux. Trop de haine dans la mémoire. Trop de douleur dans les deux. Et trop de dieux pour un espoir. Yeah. Trop de mots pour un couplet, okay. Les mots de trop pour les couplets, okay. Trop de flots qui les doublaient, okay. Trop de trop qui les coupaient, yeah. Trop d'inspi pour un seul thème, c'est la morale qui fait des siennes. Trop de vies qui sont sous terre, okay. Trop de morts pour un système, yeah. Le peuple qui se révolte, les batailles sont dans nos rues. Faire le match autour d'une table ne serait pas une balle perdue. Ça prolonge et ça perdure, on s'en fout de ton faciès. Rien à foutre des origines, la politique d'un peuple en liesse. Nos états sont rien sans nous, à genoux là est ta place. Prépare-toi à en pâtir, si tu renies la populace. Si tu craches sur la terre-mère, que tu saches que c'est la merde. Vous faites chier avec vos haines, ce racisme envers tes frères. Trop de sondages dans les têtes, trop de fêtes pour le FN. Trop de haine qui nous entête, trop de paix que l'on interne. Trop de C dans les narines, trop de mimes dans les JT. Trop de films sur les nazis, et on oublie que c'est passé. C'est la poussée du mal-être, trop de prêtres qui ont poussé. Tous ces guignols sont dépassés, dépensent des vies sur le passé. Toutes ces vestes qui se retournent, toutes ces fesses qu'on la retourne. Trop de culs qui nous renfouent, enfondent des culs jusqu'à la bourde. Tant de pubs pour un anus, trop d'homophobes qui ne se tuent. Trop de PD dans votre monde, vous nous faites chier avec vos culs. Peu de révolte au final, on fait le monde et on s'efface. On a peu de fierté en fait, à se regarder dans la glace.